La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui dernier épisode consacré à Guy de Maupassant, l'écrivain qui avait l'impression de manger le monde et de digérer les couleurs comme on digère les viandes et les fruits. Cet homme qui mangeait les couleurs du monde, cet écrivain de l'œil par excellence est pourtant devenu presque aveugle et fut interné dans la clinique du docteur Blanche au terme d'une vie très brève, 42 ans seulement, marquée par sa grande proximité avec celui qui fut son père spirituel, Gustave Flaubert, nous l'évoquions lundi, avec Frédéric Martinez dans notre portrait introductif. Mardi, c'est Une vie, le premier roman de Maupassant qui était au cœur de notre émission. Maupassant qui s'était d'abord penché sur la poésie, puis sur les nouvelles, accomplissait avec ce roman sa première incursion dans une forme plus longue, se pencher sur les personnages de sa famille et régler son compte à la bourgeoisie en regrettant l'égalisation de la société causée par son avènement après la Révolution française. Antonia Fauny nous en parlait. Hier, c'est des formes courtes dont nous avons discuté. Je recevais Martine Reed qui a préfacé le quarto consacré chez Gallimard à ses contes et nouvelles. Et tout cela, bien sûr, est à réécouter en podcast. Et aujourd'hui ? Nous visiterons les bordels d'autrefois, surtout en seconde partie d'ailleurs avec Daniel Grojnowski qui nous parlera des nouvelles de Maupassant dans lesquelles on trouve des prostituées, il y en a quelques-unes. Et en première partie, nous ne serons pas loin des conséquences parfois malheureuses de leur fréquentation. Fréquentation qui lui a causé, on le sait, d'attraper la syphilis, laquelle a sans doute aggravé la détresse psychologique grandissante qu'a connue Maupassant tout au long de sa vie. Lui qui s'est intéressé dans plusieurs de ses contes à la folie ou à ses abords. C'est justement par un extrait saisissant de sa nouvelle Un fou que je vous propose d'entamer cette émission. Jean, mon domestique, avait un chardonneret dans une cage suspendue à la fenêtre de l'office. Je l'ai envoyé faire une course et j'ai pris le petit oiseau dans ma main où je sentais battre son cœur. Il avait chaud. Je suis monté dans ma chambre. De temps en temps, je le serrais plus fort. Son cœur battait plus vite. C'était atroce et délicieux. J'ai failli l'étouffer. Mais je n'aurais pas vu le sang. Alors, j'ai pris des ciseaux, de courts ciseaux à ongles, et je lui ai coupé la gorge en trois coups, tout doucement. Il ouvrait le bec. Il s'efforçait de m'échapper. Mais je le tenais. Oh, je le tenais. J'aurais tenu un dogue enragé. Et j'ai vu le sang couler. Comme c'est beau, rouge, luisant, clair, du sang. Bonjour Patrick Waldlazowski. Bonjour. Plutôt dérangeant cet extrait dans lequel le narrateur tue un petit oiseau et y prend du plaisir. Il y a plusieurs scènes de cet ordre dans les contes et nouvelles de Maupassant. Il arrive qu'on devienne tout à coup criminel sous une forme de pulsion, d'impulsion non maîtrisée. Et c'est un motif qui est fréquent, associé généralement au sang. Il est beau de voir le sang couler. Il y a là quelque chose qui hante Maupassant et qui revient, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, cet attrait de Maupassant pour ce genre de scène ? Moi, personnellement, rien du tout. Je ne suis pas très amateur du sang qui coule et de voir couler le sang. sauf peut-être... Mais de le lire peut-être. Oui, bien sûr, je comprends votre question. Mais une très belle scène, si vous permettez juste cet aparté de sang qui coule, c'est dans Giono, au moment où le sang coule sur la neige et où le roi n'a plus d'autre divertissement que celui-là de voir couler le sang, reprenant d'ailleurs ce motif qu'on trouve dans les romans de la Table Ronde chez Lancelot. Pour ce qui est de Maupassant, encore une fois, c'est lié bien sûr à ce rapport à la folie, à cette question de la folie qui elle-même s'affiche dans un grand nombre de titres de Maupassant. Fou, point d'interrogation, ou un fou, lettre point d'exclamation, exactement. Et là, il y a des variantes, la ponctuation elle-même est capitale sans doute dans ces moments-là, soit d'interrogation, soit au contraire d'espèce d'excitation, d'exaltation, de la frappe exclamative qui vient accompagner. Le motif... Au fond, derrière cette question-là, cet affichage du sang lié à la folie, il y en a un autre. C'est la question, la hantise de l'expulsion, qui nous ramène peut-être à autre chose, mais qui nous ramène à la question du domicile, qui nous ramène à la menace à laquelle est lié le domicile, celle d'être chassé, celle d'être mis dehors. Qu'aurait Maupassant ? Que Maupassant a... complètement, je pense, vécu, que Maupassant a, c'est du moins l'hypothèse que j'ai tracée dans un essai que je lui ai consacré sous le titre de La maison Maupassant, où effectivement, Maupassant est toujours sous le coup d'une menace, une menace de ne pas trouver son lieu, de ne pas trouver son domicile, et combien de fous, précisément, sont eux-mêmes, quelque part, menacés et s'accomplit à travers leur itinéraire cette expulsion. On n'ose plus rentrer chez soi parce qu'il y a un fantôme, parce qu'il y a un fou, parce que l'autre est logé à domicile. Du coup, on ne rentre plus. Du coup, on est dehors, on est on jeté est hors-là, au dehors. Peut-être, on est le hors-là. Et effectivement, cette nouvelle. Je me souviens qu'un de nos amis, Daniel Gruniewski et moi, Philippe Bonnefils, avait longtemps développé cette hypothèse dans le hors-là d'un personnage qui est chaque jour acculé finalement à mettre le feu à sa propre maison, à d'abord évidemment s'en sortir, le quitter pour... et du coup, de devenir un errant. Vous évoquiez dans votre introduction la fin de Maupassant, la maison de santé du docteur Blanche. Eh bien, le dernier conte du dernier recueil de Maupassant, intitulé « Qui sait ?», raconte précisément l'histoire d'un personnage qui veut rentrer chez lui tranquillement, qui habite dans une belle et grande maison, bien meublée, extrêmement cossue, bourgeoise, et qui est interdit de rentrer chez lui parce qu'il y a un remue-ménage à l'intérieur et tous les meubles tout à coup vont dévaler et... Pensez à ce que vous nous avez dit dans l'introduction de la maison du docteur Blanche à Passy. La nouvelle s'achève dans une maison de santé. C'est le seul endroit où il puisse trouver un refuge. Donc il y a comme une prescience de sa fin. Alors là, les choses évidemment sont très complexes. Il faut être très prudent dans les rapports de la biographie et de l'œuvre. Mais effectivement, on ne peut que constater que ce qui sait finalement est programmatique de ce qui va arriver à Maupassant lui-même. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cette période de la vie de Maupassant, cette période de déchéance qui va se terminer par un Maupassant qu'on dit à quatre pattes en train de lécher comme un chien la porte de la chambre de cette fameuse clinique du docteur Blanche? Alors je vous rassure tout de suite, je suis pas amateur des confidences que Normandie, d'ailleurs le nom lui-même est tout un programme, va consacrer à la fin de Maupassant, allant justement jusqu'à recueillir tout ce qui a fait le délire final de Maupassant au dernier stade de la syphilis, ce qu'on appelait alors la paralysie générale. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt, si vous voulez, de voir comment, plus généralement d'une part, le siècle se débrouille avec cette maladie. Depuis le début, si j'ose dire, depuis l'origine, depuis Balzac, et à travers cette espèce de retour permanent du réalisme naturalisme, du décadentisme naturellement lui-même, sur la façon dont la maladie travaille, et les écrivains eux-mêmes, forcément, naturellement, quand ils sont atteints, quand ils en sont malades, et quand nous avons des traces de type biographique, mais aussi, de façon plus importante et sans doute plus complexe, leur œuvre. Je précise que vous avez écrit un essai intitulé « Syphilis, essai sur la littérature du XIXe siècle », qui dit bien à quel point pour vous, finalement, cette maladie a eu une importance pour les écrivains de cette époque-là. Elle est à mon avis considérable, et c'est à travers cette maladie que se croise la question de la prostitution, se croise la question de la représentation des filles. Lorsque Maupassant écrit son premier ouvrage, au fond, les fondations de la maison Maupassant, c'est-à-dire la maison Tellier, l'œuvre et la littérature est alors, si vous voulez, obnubilée, fascinée par la prostitution. Prenez, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais prenez Marthe, histoire d'une fille de Huysmans, prenez la fille Elisa de Goncourt, d'Edmond de Goncourt, prenez Nana de Zola, et vous voyez qu'à chaque fois, là, c'est le nom d'une fille qui s'affiche lui-même, c'est le nom d'une fille qui attire le lecteur. Comme la prostituée elle-même s'affiche dans les rues et cueille le client. Et donc, l'un des aspects, bien sûr, de cette question de la syphilis, c'est le rapport que la littérature entretient alors avec la prostituée. Pourquoi est-elle là, si présente, comme une espèce de totem, si vous voulez, du réalisme naturalisme, comme si elle incarnait, quelque part, toutes les séductions, les fascinations, les répulsions de, non seulement les écrivains eux-mêmes dans leur pratique, pour quelques-uns d'entre eux, comme Maupassant, mais la littérature elle-même, qui trouve dans cette figure de la prostituée, quelque part, une énigme qu'elle doit déchiffrer, un corps à corps qu'elle doit absolument affronter. Et vous faites le lien, Patrick Waldazowski, entre la thématique du feu chez Maupassant et la syphilis. En quoi est-ce que le feu est quelque chose qui revient très souvent chez lui? Alors, si vous voulez, évidemment, un motif comme celui-là ou un autre comme celui de la prostituée ne tient jamais tout seul. Il est à chaque fois renouvelé, réancré dans un imaginaire qui est un imaginaire singulier. La syphilis que signe Balzac n'est pas la syphilis que signe Maupassant, que signe les frères Goncourt dans leur journal, que signe Huysmans, que sais-je encore. Et donc, en l'occurrence, effectivement, dans l'imaginaire de Maupassant, plusieurs choses se croisent. Nous avons évoqué la question du domicile, la question de la maison, la question de trouver un lieu, trouver un refuge. La question du feu revient également. Maupassant se plaint du reste très souvent, du point de vue clinique proprement dit, d'avoir la gorge en feu, et c'est l'un des symptômes que la médecine à la fois enregistre sans le reconnaître totalement comme un des symptômes, un des effets, si vous voulez, de la maladie. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous sommes avec Patrick Waldazowski, auteur d'un essai, La Maison Maupassant, dans la collection L'un et l'autre des éditions Gallimard. C'était en 2009. Et c'est un essai, Patrick Waldazowski, dans lequel on voit un Maupassant heureux parfois, mais surtout souffrant, heureux en été et horriblement malheureux en hiver. Oui, l'hiver est accablant. Parce que l'hiver, c'est la saison du noir. Du moins, Maupassant le vit-il ainsi. Il se plaint régulièrement dans sa correspondance et ses nouvelles elles-mêmes sont des nouvelles qui, quelque part, affrontent ou refusent d'affronter le gouffre du noir. Il écrit qu'il a peur de l'hiver, il écrit ça. Oui, il a peur de l'hiver, il devient lui-même une plante gelée, tout est obscur et lorsqu'il travaille au ministère, pendant ses années parisiennes, pendant une huitaine d'années au ministère comme employé aux écritures, dès 3h, 4h de l'après-midi, c'est une détresse épouvantable, on commence à allumer les lampes et lui s'en sort en allant sur les bords de la Seine. Il a besoin de cette lumière, il a besoin de ce mouvement, il a besoin du canotage, des exercices physiques, des prouesses sexuelles évidemment sont liées elles aussi au soleil, à l'ensoleillement, et il va du reste plusieurs fois fuir, c'est le mot qu'il emploie, en Algérie par exemple, ou en tout cas dans les pays du Maghreb, pour retrouver une lumière qui lui manque à Paris. Et vous écrivez que le même s'acharne sur Maupassant. Le même, c'est la monotonie des soirs pareils, de la même partie, des mêmes amis retrouvés au même lieu. Dès la maison Tellier, c'est-à-dire dès son premier recueil de nouvelles, ce motif apparaît très très fort. De façon extrêmement pesante, il y a une espèce de tyrannie du même, du tyrannie de la répétition. C'est l'ennui qui l'assaille. C'est plus que ça, c'est une sorte de détresse, si vous voulez, devant l'existence, devant habiter, si vous voulez, par cet effet de... D'une certaine façon, vous évoquiez le bonheur, mais toute la question, c'est quand et comment passe-t-on du bonheur du refrain au désespoir de la rengaine. C'est son mot. Et donc, tout revient au même. Et vous voyez que derrière, il y a quelque part une espèce de gouffre, de vertige, d'une sorte de philosophie dépressive du même, de la répétition négative. Donc, vous le disiez, quand il a un peu de temps, il va se changer les idées sur l'eau. Il va nager ou alors il va au soleil, mais même sur l'eau, son personnage de la nouvelle sur l'eau n'est pas tout à fait apaisé. La rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais qui rampait sur l'eau fort bas, de sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, et puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme enseveli jusqu'à la ceinture, dans une nappe de coton d'une blancheur singulière, et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque, que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, caché par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer, et perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage. Puis, aussitôt, cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis perdu, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant pas la berge, ne retrouvant plus mon bateau, et il me semblait que je me sentirais tiré par les pieds tout au fond de cette eau noire. Voilà un extrait de Sur l'eau, lu par Jean Topart. C'est le premier conte que Maupassant a montré à Flaubert, mais même là, sur l'eau, cet endroit qu'il aime tant, eh bien Maupassant est rattrapé par ses démons, Patrick Wald-Lazowski. Oui, vous évoquiez en commençant l'appétit de couleurs, les couleurs du monde, hein, cette espèce de frénésie. Mais c'est parfois, quelque part, de la poudre aux yeux que nous jette l'écrivain à travers ce démon de la couleur. Vous voyez ici une expérience totalement contraire, qui est celle de l'immersion dans le blanc. Il rentre dans le blanc. Ce blanc peut être d'ailleurs aussi associé à celui de l'éther dont il témoigne dans sa correspondance privée. Mais voyez, c'est un moment où précisément le monde se défait, où le monde se dérobe, avec comme seule ouverture, si j'ose dire, au moment de la conclusion, c'est-à-dire, c'était du reste le dernier mot de l'extrait, le noir, et ce qui va expliquer finalement le fait que le personnage est immobilisé sur l'eau pendant toute une nuit, et qu'il a donc cette expérience de la blancheur totale, c'est qu'il y a au fond de la rivière un cadavre, dans le fond noir, dans le noir, noir total du fond marécageux de la rivière, un cadavre avec une pierre au cou qu'on va remonter finalement. Et donc vous voyez, cette expérience de cette nouvelle témoigne bien, nous le disions tout à l'heure, du balancement entre des moments heureux, des frissons de lumière, des frissons de bonheur, des secousses du reste de bonheur, c'est un de ces mots, et à l'inverse, des frissons, des secousses de désespoir. Et c'est le même mot qu'il utilise du reste pour passer de l'un à l'autre. Et donc cette fuite, Patrick Wald-Lazowski, cette fuite du noir, d'une certaine manière, c'est soit le soleil, le sport, le canotage, la Méditerranée, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une fuite dans le passé et une fuite dans le souvenir. Il y a chez Maupassant comme un espèce de trou noir précisément qui l'aspire vers son passé, le passé de sa famille et peut-être en particulier ce fameux oncle Alfred qui est là encore une ombre qui plane sur Maupassant. Oui, c'est évidemment Flaubert qui fait le relais, si vous voulez, dont Alfred le Poitevin était le très grand ami d'enfance, et qui présente beaucoup dans son comportement, dans son rapport au monde, dans sa correspondance, qui présente beaucoup de similitudes, du reste, avec son neveu Guy de Maupassant. Alors, est-ce qu'il présente beaucoup de similitudes, ou est-ce que on inculque à Maupassant l'idée qu'au fond, il doit ressembler à cet oncle qu'on aimait tant et qui est mort 2 ans avant sa naissance? Évidemment qu'on le lui inculque, bien sûr, vous avez tout à fait raison, la mère lors de Maupassant... C'est lourd quand même. Mais oui, c'est très lourd, bien sûr. On le condamne d'une certaine façon, on le condamne à l'autrefois, on l'empêche de vivre et on le condamne à l'autrefois. Le travail fait par la mère, qui du reste est neurasthénique et qui s'enferme elle-même souvent dans le noir, dont nous savons qu'elle évitait le monde extérieur à cause justement de sa propre dépression, pousse Maupassant vers le pays de l'autrefois. C'est un très beau mot d'ailleurs qui revient très souvent, c'est l'autrefois. Et il dit du reste à propos de Flaubert, j'étais pour lui comme une apparition de l'autrefois. Et là, vous voyez, c'est assez fort parce que le mot apparition, bien sûr, a une puissance extraordinaire chez Maupassant dans de grands nombres de contes fantastiques, mais aussi à propos de ce que vous évoquez. C'est-à-dire cette façon dont on va pousser Maupassant à s'identifier à l'autre, à faire revivre l'autre, aussi bien d'ailleurs dans sa démarche, dans son rapport au monde, je le disais, avec quelque part des appuis comme Schopenhauer qui viendra tomber à pic pour assurer d'une certaine façon la légitimation de cette dépression. Mais aussi dans son rapport au bordel, à la fréquentation des bordels. Oui, parce que le Poitevin et Flaubert allaient ensemble précisément absolument, au bordel. Absolument, ce sont deux bons garçons, comme on dit à l'époque, avec ce personnage du garçon qu'ils vont inventer eux-mêmes au lycée. Le célibataire en goguette, le célibataire endurci. Qui est l'homme respectable, en fait, pour eux. C'est ça, être respectable, c'est aller au bordel. Oui, oui, bien sûr, il y a une part de jeu, il y a une part de fantaisie là-dedans. Et aussi une part d'héroïsme ravageur, si vous voulez, hein, pour prouver, pour attester de la possession sexuelle quelque part. L'un et l'autre vont revendiquer à certains moments, avec évidemment toute la part à la fois d'un côté gaillard, de burlesque, mais aussi quelque part aveuglante, vont revendiquer leur propre vérole. On est heureux d'attraper la vérole comme une attestation finalement. Du bordel, de la fréquentation du bordel, qui s'affirme régulièrement, et chez l'un, et chez l'autre, et chez Alfred Le Poitevin, et chez Maupassant, sachant que Le Poitevin va lui-même mourir très certainement, pour une grande part, de la syphilis. Vous parlez des morts qui entourent Maupassant, Le Poitevin, et aussi, bien sûr, Flaubert, qui mourra tout de même quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard. Et c'est Maupassant qui va faire la toilette funèbre de Flaubert. Absolument, c'est un moment extrêmement fort, c'est un moment extrêmement puissant dont il témoigne dans sa correspondance. De la même manière que Gustave Flaubert avait fait la toilette mortuaire, donc habillé, préparé le corps qu'on va venir visiter, auquel on va rendre hommage une dernière fois. Donc de la même manière que Flaubert avait fait celle d'Alfred Le Poitevin, Guy de Maupassant fera celle de Gustave Flaubert. Heureusement, en 80, l'année de la mort de Flaubert, celui-ci aura pris connaissance de Boule de Suif. Mmh. Et aura reconnu en Boule de Suif un chef-d'œuvre. Et c'est là, si vous voulez, un moment formidable entre les deux hommes, où, pour ainsi dire, Flaubert, pour la première fois, tutoie Maupassant, si vous voulez. Voilà un père, voilà quelqu'un qui est entré dans la communauté des écrivains. Et malheureusement, naturellement, la détresse est immense chez Maupassant. Il n'assistera pas à la sortie, il ne sera plus vivant au moment de la parution de la Maison Tellier. Je voudrais lire quand même comment Maupassant décrit justement cette toilette funèbre. « J'ai fait sa toilette terminée par une forte lotion à l'eau de Cologne. Je l'ai habillée d'une chemise, d'un caleçon et de chaussettes en soie blanche, des gants de peau, son pantalon à la hussarde, son gilet et son veston, sa cravate passée sous le col de sa chemise formait un papillon. Ensuite, je lui ai fermé ses beaux yeux, brossé sa moustache et sa belle et forte chevelure. » En fait, c'est d'une intimité extrême. C'est un texte extrêmement bouleversant quand on pense aux circonstances. C'est extrêmement émouvant et en effet, il y a là dans la toilette du mort un moment extrêmement important que nous avons perdu aujourd'hui, bien sûr, mais qui, pour l'époque, est capital. Et celui qui se charge de la toilette mortuaire, là, joue un rôle extrêmement important, qu'on pourrait comparer, du reste, avec un grand nombre de textes romanesques, même, qui représentent la scène, eux aussi, de leur côté. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Maupassant avec Patrick Wald-Lazowski. Je crois que vous voulez nous lire une citation précisément de votre livre ou alors de Maupassant? Non, une citation de Maupassant, bien sûr. Pour essayer d'expliquer ce que le siècle et Maupassant lui-même voit dans la prostitution et dans la pratique du bordel, de la maison close. Vous faites une excellente et douce transition vers la seconde partie de cette émission. Précisément. Et donc, c'est de pouvoir s'acquitter, de croire qu'on puisse s'acquitter, justement, en ayant recours à une prostituée ou, c'est évidemment la même chose, en passant par la maison close. Et donc, je voudrais juste évoquer la confession de Théodule Sabot, un texte qui n'est pas très très connu, dans lequel le curé du village fait passer en confession un menuisier, en échange évidemment des services que le curé va lui demander ultérieurement. Et donc il y a une espèce de rapport, si vous voulez, contractuel, je vais te confier une tâche et de ton côté tu te confesses. Et au dernier moment de cette confession, le curé demande à Théodule s'il a jamais trompé sa femme. L'artisan s'indigne, il réfléchit, il répond. Quand je vais à la ville, dire que je vais jamais dans une maison, vous savez bien, dans une maison de tolérance, histoire de rire et de badiner un brin et de changer de peau pour voir. Pour ça, je ne dis pas, monsieur le curé, mais je paye, monsieur le curé, je paye toujours. Du moment qu'on paye, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et donc, vous voyez, toute la question est de savoir si vraiment on s'acquitte en payant et qui s'embrouille peut-être dans ce pseudo ni vu ni connu de l'usage des maisons closes. Et quelle vous semble être la réponse? Évidemment, si vous voulez, il y a une sorte de illusion, bien sûr, dans le cas de Maupassant tout particulièrement, puisqu'il revient sans cesse sur cet acquittement et son œuvre elle-même est une façon d'essayer de s'acquitter d'une dette sans bien sûr qu'il puisse jamais y parvenir. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Merci beaucoup Patrick Wald-Lazowski. Je rappelle que votre livre La Maison Maupassant a été publié en 2009 dans la collection L'un et l'autre, qui était la collection de J.B. Pontalis, et que ce livre est toujours disponible. Vous avez également fait paraître récemment aux éditions du Cercle d'Art un essai intitulé Scène du plaisir, la gravure libertine. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons être rejoints par Daniel Grosnowski qui nous parlera des prostituées chez Maupassant. On a déjà commencé d'évoquer ce thème, mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues, avec, comme chaque jeudi, la visite de nos amis des pages culture de l'Obs, et en l'occurrence de vous, Grégoire Leménager. Bonjour. Bonjour Mathieu. L'Obs, où on peut lire aujourd'hui un article sur la campagne électorale en vue de la présidentielle d'un écrivain. Cet écrivain, c'est bien sûr Alexandre Jardin. Oui, c'est ma camarade Anne Crignon qui l'a suivi pendant plusieurs semaines, parce qu'il vous a pas échappé que Alexandre Jardin, donc qui est un écrivain dont on n'est pas obligé de lire tous les livres forcément, hein, mais qui est un écrivain qui a eu beaucoup de succès, notamment avec Le Zèbre, des choses comme ça, et qui est issu lui-même d'une famille d'écrivains, se présente lui aussi, sans faire de plus, à l'élection présidentielle, rien que ça. Il est dans aucune primaire, lui. Il se présente tout seul. Non, parce qu'il est totalement anti-système. C'est pas la primaire des écrivains, ça serait. Imaginez pas. Et donc, on pourrait imaginer une primaire des écrivains. On se retrouverait avec Renaud Camus, Alexandre Jardin, ça serait pas très gay quand même. Donc Alexandre Jardin, il arpente le pays là depuis pas mal de temps, et donc Anne Crignon raconte comme essaye de comprendre quel est son programme, si on peut parler, pourtant qu'on puisse parler de programme, parce que son idée quand même d'abord de rassembler les idées des autres et de les transmettre. Elle raconte aussi comment il a complètement laissé tomber la promotion de son dernier livre, ce qui lui vaut des SMS de son éditeur et des rappels à l'ordre. Mais donc c'est un portrait assez touchant en réalité de cet homme qui réellement s'est désintéressé de son œuvre, enfin de ses livres, pour essayer de faire émerger des bonnes idées pour redresser ce pays. Donc ça, c'est à découvrir dans l'Obs d'aujourd'hui. Ça, c'est dans l'Obs. Mais ça. La semaine prochaine, vous nous proposerez un article sur un auteur que vous aimez, je crois, en particulier, et c'est Erich Maria Remarque. Oui, oui, oui. En fait, il y a un roman inédit en France là qui sort ces jours-ci de Remarque, qui est inachevé aussi. C'est vraiment son dernier roman. Donc, Erich Maria Remarque, il avait publié à l'Ouest rien de nouveau en 1929, je crois, où il racontait la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu pas mal de problèmes avec les nazis en Allemagne. Son livre est passé dans des autodafés. Il a eu un succès colossal. Il a dû immigrer. Et il a dû fuir l'Allemagne. Donc il a fui l'Allemagne en 38 ou 39, je crois, après avoir été déchu de sa nationalité. Il est passé par la Suisse, par la France. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Et après, il a mené une vie à Hollywood, beaucoup, où il a fréquenté toutes les grandes actrices. Ah ouais, Marlène Dietrich, Greta Garbo. Il s'est marié avec Paulette Goddard. Enfin bon, il a eu une vie assez passionnante. Et quand il est mort, en 1970, il travaillait sur un gros roman qui n'est pas terminé, mais dont on a quand même 400 pages très abouties et qui sont traduites formidablement là par Bernard Lortolari. Ça s'appelle « Cette terre promise » et tout ça semble de l'histoire ancienne, mais en fait pas du tout. Il nous raconte comment vivait la communauté allemande, essentiellement composée de juifs, mais pas seulement, à New York, en 43, 44, 45. Quoi. Et c'est vraiment un très très beau roman sur les histoires de ces gens qui sont des réfugiés, qui sont des exilés, qui ont tous des destins incroyables, qui se retrouvent là-dedans, qui portent un regard sur l'Amérique aussi assez étonnant, assez décapant, parce que ils ont fui l'antisémitisme, un antisémitisme très très violent en Europe, mais ils se heurtent à une autre forme d'antisémitisme. Enfin voilà, ils découvrent les petits métiers, les boulots noirs, les lois inhumaines d'une bureaucratie indifférente, comme dit Remarque et tout ça. Et tout ça se lit avec un plaisir infini, quelque chose d'un peu daté, mais c'est très très intelligent. Il y a plein d'aphorismes très brillants, voilà. Cette terre promise, c'est donc chez Stock. Merci Grégoire. On s'apprête à parler des prostituées chez Maupassant dans la seconde partie de cette émission. Oserais-je vous demander ce que vous inspire ce sujet? Alors moi, ça me fait d'abord penser à Boule de Suif, qui est une nouvelle effectivement extraordinaire, comme le pensait Flaubert. Donc je m'inscris sous un patronage. Oui, vous voyez pas trop. Hein. Et par ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé ces dernières années, où j'avais lu pas mal de romanciers haïtiens contemporains, et où ça va de Gary Victor à Daniela Ferrière. Enfin, c'est des écrivains souvent assez différents. Hein, et j'étais frappé par le fait que la figure de la prostituée, telle qu'on la croise abondamment dans la littérature du 19e en France. Mais plus tellement aujourd'hui. Mais plus tellement aujourd'hui quand même, hein, pour plein de raisons. On la retrouve et avec des caractéristiques assez semblables dans la littérature haïtienne contemporaine. C'est-à-dire des figures de femmes qui sont à la fois fascinantes, qui sont des figures d'initiatrices, mais qui incarnent aussi la part sombre et la part glauque aussi de la société haïtienne, qui ne manque pas d'éléments glauques. Il y a une forme de féminisme un peu paradoxal, et il y a notamment un livre d'un jeune haïtien qui s'appelle Mackenzie Orcel, qui était sorti il y a 2-3 ans, qui s'appelle Immortel, où il donne la parole à des prostituées victimes du séisme de Port-au-Prince de façon très belle. Enfin voilà, donc je pense qu'il y aura une thèse à faire là-dessus en réalité, mais je lance le sujet. Oh non, je suis trop vieux pour me lancer dans une thèse. Mais si, on en parlerait ici. Merci beaucoup Grégoire, à très bientôt, puis en attendant on vous retrouve dans les colonnes de l'Obs. Ta peau se crispe sous ses doigts. Tu regrettes déjà, tu ne peux pas lui dire que tu ne pourras jamais lui faire croire que tu vas l'aimer. Il boit ton corps de ses efforts. Il s'enivre de cette petite mort. Tu t'imagines dans d'autres bras. Tu fermes les yeux et tu y crois. Retour à Maupassant pour une dernière séquence de notre série. Je reçois Daniel Grojnovski, écrivain et historien de la littérature, pour parler donc, en particulier des prostituées chez l'auteur, de La Maison Tellier et de Belle Amie. Il est temps, tu caresses sa peau humide, tes yeux de larmes se vident. Il y a une chose qui me frappe, à quoi aussi les jeunes gens sont extrêmement sensibles, c'est que sur un plan qui compte en ce moment beaucoup et qui est même devenu une tarte à la crème, c'est-à-dire la façon dont on considère l'homme dans sa sensualité, même dans sa sexualité. roman, Maupassant va extrêmement loin. Maupassant est extrêmement moderne. Il y a, si vous voulez, un érotisme actuel qui est très proche de l'érotisme à la Maupassant. C'est-à-dire, même dans Bel Ami, il y a des tas de détails qui frappent. Lorsqu'on relit Bel Ami maintenant, il y a des tas de choses qui se disent « Mon Dieu, quel culot il avait de dire ça à l'époque à laquelle il a... » Maintenant, ça nous paraît, si vous voulez, plus normal, la façon dont il... Qu'on soit même dans Bel Ami le détail de certaines caresses, comme dirait François Mauriac, certaines caresses, justement, qui à l'époque étaient proprement indicibles. Et quand tu t'endors, c'est ta vie qui recommence près de lui. La vie est une putain. La vie est une putain. Bonjour Daniel Grozhnovski, je prononce bien votre nom ? Bonjour, parfaitement. Très bien. Alors, un érotisme digne des années 70 serait donc à l'œuvre chez Maupassant, c'est l'écrivain Jean-Louis Bory, qu'il disait ici en archive. Est-ce que c'est également votre avis ? Écoutez, Jean-Louis Bory est un admirable connaisseur de l'époque et de Huysmans. Maintenant, dire que un tableau, une œuvre, elle est... moderne ou un érotisme est moderne, c'est un cliché absolu. C'était dans les années 70, alors. Oui, mais ça on dira toujours que c'est moderne différent. Parce que nous actualisons par la lecture, donc ça nous touche, donc c'est actuel. Hein, dire que c'est moderne, j'avoue que mon propos, je travaille avec Mireille Dottin Orsini sur l'imaginaire de la prostitution. Qui doit apparaître cette année chez Hermann, vous m'inviterez, j'espère. Mais bien sûr, en même temps que la thèse de Grégoire Leménage. Et effectivement, toute notre difficulté, c'est d'historiciser les choses. Hein, que le féminin, que les pulsions qui nous touchent directement aujourd'hui, qui sont actualisées par la lecture, évidemment, mais appartiennent quand même à une autre épistémée, comme on disait du temps de Foucault, à un autre imaginaire, à une autre époque. Et disons que le marché de la femme, puisqu'il s'agit de parler de la prostitution au XIXe siècle, il y a un marché de la femme, il y a un marché en général. Hein. Vous êtes dans un marché, je suis dans un marché, il y a une circulation hein, des biens et des personnes. Et au XIXe siècle, la domination masculine est telle hein, que le marché de la femme va toucher les plus fragiles, évidemment. Hein, comme aujourd'hui, d'ailleurs, les immigrés, hein, qui sont les plus fragiles, qui doivent absolument... Ce qui fait que, quand on me dit qu'il y a un érotisme moderne, ça me fait un petit peu rire, hein, franchement. Donc, je laisserai à Jean-Louis Bory, oui, le soin, la responsabilité, le soin de... Mais c'est... Bon, il parle bien, c'est très, très intéressant, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ah bon, on aime toujours l'écouter, nous ici, à la Compagnie des auteurs. Alors, vous avez publié un recueil de 11 nouvelles de Maupassant sur les prostituées, c'est en folio classique. Comment avez-vous, d'abord pour commencer, choisi ces 11 nouvelles ? Alors, il y a la conjoncture hein, qui est importante dans le marché de l'édition, puisque je parlais du marché de la femme, il y a aussi un marché de l'édition. Et Orsay, le musée d'Orsay, a organisé, il y a deux ans, je crois, une merveilleuse exposition, hein, le Grandeur et décadence, hein, l'image des prostituées. Et c'est vrai que cette exposition a réuni, je crois, 400 œuvres tout à fait remarquables. Et à cette occasion, j'ai relu hein, un peu, je me suis promené dans les nouvelles de Maupassant. Et la question que je me suis posée, prenant distance hein, avec l'idée qu'on a justement de la femme, entre guillemets, au XIXe siècle, c'est au fond, je me suis demandé, mais c'est quoi une prostituée ? Oui, hein, parce qu'il y a davantage que 11 nouvelles de Maupassant dans lesquelles on trouve des prostituées. Donc vous en avez choisi 11, c'est bien le résultat de cette réflexion-là. Voilà. Et alors, j'étais intéressé parce qu'il y a plusieurs, évidemment, Maupassant, il y a toutes sortes hein, de recueils de nouvelles, les contes normands, le fantastique, le Paris, etc., etc. Et il y a aussi plusieurs recueils de nouvelles sur la galanterie, disons, sur la prostitution, la galanterie. Et pour vous, c'est différent, ça ne rentre pas dans la même case. Ce qui m'a intéressé, justement, c'est que d'abord, c'était fait par des femmes. À chaque fois, le choix, l'ouvrage, le recueil de nouvelles était cautionnée et présentée par des femmes, souvent des collègues, hein, des universitaires, plus sensibles que nous, évidemment, à cette question-là, et que chaque fois, le choix variait considérablement, sauf qu'on retrouvait régulièrement la Maison Tellier, Boule de Suif, hein, qui sont d'ailleurs des chefs-d'œuvre absolus, hein, comme on dit, qui sont vraiment les plus remarquables, hein, des nouvelles. Alors, moi, je me suis dit, mais au fond, on met dans le même sac des comportements qui n'ont rien à voir. Hein. Pour parler brièvement, hein, une grisette n'est pas une prostituée. Hein, elle n'est pas une prostituée. C'est une jeune ouvrière, hein, en habit gris, qui est à Paris, qui fréquente la bohème. C'est l'époque romantique, hein, mais le terme va continuer. Et elle va fréquenter des jeunes gens, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche un ami et un protecteur. Mais c'est pas pour autant. Alors, elle est vénale, si vous voulez, comme nous sommes tous dans une certaine mesure pris par la vénalité. Mais enfin, elle n'est absolument pas une prostituée. Elle est même très sentimentale, elle s'attache, elle pleure, etc., etc. De même, quand on parle des courtisanes, hein, les courtisanes, là aussi, hein, dans les recueils dont je parlais, il y avait des courtisanes. D'ailleurs, le mot courtisane est très intéressant. Petite parenthèse. Quand l'exposition d'Orsay a eu lieu, Grandeur et misère, sous-entendu des courtisanes. Oui. Hein. Image de la prostituée. Mais quand Balzac écrit Grandeur et misère des courtisanes, tout le monde comprend que c'est un euphéminisme pour prostituée. Alors, Euphéminisme, c'est très très beau, ce mot que vous venez de forger. De quoi? Un euphéminisme. Oui, un euphéminisme, exactement. On ne veut pas dire, on ne veut pas dire putain, on ne veut pas dire prostituée. Je termine. La courtisane n'est pas non plus une prostituée. C'est une femme extrêmement ambitieuse, souvent très intelligente et cultivée, et qui va chercher un protecteur éminent. C'est son ascension sociale. Alors donc, vous voyez, du coup, le choix des nouvelles se restreint considérablement. Alors qu'est-ce que ça dit, la classification que vous allez donc nous exposer maintenant, que vous avez choisie, qu'est-ce que ça dit de Maupassant regardant les prostituées de son époque? Ça dit deux choses, au moins. Ça dit beaucoup de choses, mais il faut bien choisir. Ça dit deux choses, au moins. La première chose, c'est que nous sommes à un moment de l'effloration, prolifération des journaux, de la presse. C'est l'âge d'or, hein, pour les écrivains. C'est l'âge d'or, hein, c'est l'âge d'or de la nouvelle, hein. Il y a Villiers d'Isle-Adam, il y a Schmoe, Maupassant était célèbre, tout ce que, voilà, c'est vraiment le moment écrits dans les journaux. Il y a un marché, il y a une demande et ils fournissent. Donc, dans une certaine mesure, je laisse de côté le talent exceptionnel, hein, de conteur qu'a Maupassant, talent si remarquable que au moment de sa disparition, il y a eu un éloge funèbre, et j'étais très étonné, même impressionné, de voir que Zola et Mallarmé disaient la même chose. C'est vraiment notre fabuliste, c'est notre La Fontaine, c'est un conteur, mais c'est un conteur de fables, hein. On n'est pas uniquement dans la réalité, hein. C'est pour ça que je vous taquinais tout à l'heure. À partir d'éléments effectivement empruntés à l'expérience, aux lectures, aux confidences, ils fabulent. Donc les journaux et les femmes, les journaux et les prostituées. Donc il y a un marché. Et on peut dire que Maupassant répond à la demande du marché. Il fournit un nombre considérable de nouvelles, je ne sais pas, au moins 300, 400. Oui, il y en a, plus de 300. Oui, 300. Il fournit, et dans ce sens, il emprunte des schémas, hein, des schémas connus. Hein, c'est des schémas connus. Je prends un seul exemple. Dans Les Français peints par eux-mêmes vers 1840, Taxil Delors écrit un petit récit, La femme sans nom. La femme sans nom, c'est la déchéance d'une fille. Et Maupassant emprunte ce schéma de la déchéance dans l'Odyssée d'une fille, par exemple. Alors là, il se casse pas trop la tête. Hein. L'inverse est également un schéma. Hein, c'est la rédemption de la fille. Ça, c'est romantique, si vous voulez. Hein. La fille est déchue, mais par l'amour, elle va expier. Hein. Mais c'est quand même classique, hein, oui, comme schéma. Là encore, on est dans des schémas. Je dis, il répond à la demande en empruntant des schémas qui ne sont pas d'une originalité certaine. Par exemple, mais qui ne disent rien de son expérience personnelle. C'est autre chose. Hein, du bordel. Là, oui, je termine sur ce point. Et je termine sur ce point. Et après, évidemment, vous interviendrez et j'en serai très heureux. Mademoiselle Fifi. Mademoiselle Fifi, c'est un officier prussien. qui fait venir dans un château qu'il occupe un régiment de filles, si je peux dire. Et il y a Rachel qui, elle, ne va pas accepter, alors que tout le pays normand se résigne à la défaite. Rachel, la juive, la belle juive, l'éternelle belle juive des bordels, elle va être la seule qui résiste et elle va tuer un officier. Et là, c'est la rédemption, si vous voulez. La juive, la prostituée, la juive est la seule héroïne, finalement. Alors, Patrick Walde, Lazowski... intervenez avec violence. Non, pas du tout, vous plaisantez, Daniel. Aucune violence là-dedans. Mais il est tout à fait exact, naturellement, que ces schémas existent. Et vous avez bien raison de le souligner, de le rappeler. J'évoquais moi-même les circonstances dans lesquelles Maupassant publie Boule de Suif, avec autour de lui Marthe, autour de lui Elisa, autour de lui Nana. Mais il est de fait que chacun se réapproprie aussi. Oui. Alors quelle vision spécifique de Maupassant sur ce sujet-là ? Signe lui-même que, si vous permettez, puisque j'évoque Zola, la scène finale de Nana, par exemple, elle est zolienne, si j'ose dire, par excellence, et que Maupassant, lui, de son côté, ne va jamais se livrer, par exemple, puisque je suis plutôt du côté de la maladie, si vous permettez, à cette défiguration extraordinaire, ce travail de la défiguration, qui est comme une façon pour l'écrivain de reprendre ses billes, de dire « je suis capable de figurer la plus belle fille du monde », eh bien on va voir que je suis capable aussi de la défigurer, de la prendre. Oui. Et de la même manière, si j'ose dire, un certain nombre de motifs propres à Maupassant ne sont plus partageables aussi du côté ni d'Edmond de Goncourt, ni du côté de Huysmans. Chacun a quelque part, nous évoquions la folie, je le prends évidemment dans un sens beaucoup plus ouvert que tout à l'heure, chacun a sa folie et chacun signe son objet de façon qu'il se l'approprie et que c'est signé Maupassant, que la prostituée Maupassant n'est pas la prostituée Zola, n'est pas la prostituée, alors même que, naturellement, c'est une sorte de figure commune, partagée, partageuse, si on ose dire, elle-même, à cause de son état. Alors pour vous, Daniel Grozhnovski, il y a deux, voire trois grands types de nouvelles concernant les prostituées. Les premières, ce sont les duos. C'est en fait un petit peu le classicisme, les schémas dont on parlait à l'instant. Et plus intéressant encore, il y a les ensembles, où on voit des prostituées ensemble, comme dans La Maison Tellier, dont je vous propose d'écouter tout de suite un court extrait. Rosa s'en mêla. Et en se penchant par-dessus les jambes de son voisin, elle embrassa les trois bêtes sur le nez. Aussitôt, chaque femme voulut les baiser à son tour. Et le monsieur asseya ses dames sur ses genoux, les faisait sauter, les pinçait. Tout à coup, il les tutoya. Les deux paysans, plus affolés encore que leur volaille, roulaient des yeux de possédés sans oser faire un mouvement. Et leur vieille figure plissée n'avait pas un sourire, pas un tressaillement. Alors le monsieur, qui était commis voyageur, offrit par farce des bretelles à ses dames. Et s'emparant d'un de ses paquets, il l'ouvrit. C'était une ruse. Le paquet contenait des jarretières. Il y en avait en soie bleue, en soie rose, en soie rouge, en soie violette, en soie mauve, avec des boucles de métal formées par deux amours enlacés et dorés. Les filles poussèrent des cris de joie, puis examinèrent l'échantillon, reprise par la gravité naturelle à toute femme qui tripote un objet de toilette. « Allons, mes petites chattes, il faut les essayer, » dit le monsieur. Ce fut une tempête d'exclamations. « Vous ne voulez pas ? Je remballe. » Puis il ajouta finement, « J'offrirai une paire au choix à celles qui feront l'essai. » Mais elle ne voulait pas, très digne, la taille redressée. Un extrait donc de La Maison Tellier par Guillaume Gallienne. Ce qui est peut-être plus intéressant encore que dans les autres nouvelles de Maupassant, avec ces ensembles, ces prostituées qui nous sont décrites en groupe, c'est l'espèce de joie qui émane de ce groupe de filles, quand même à la fin un petit peu réprouvées. Il y a un bonheur dans La Maison Tellier, il y a une ambiance presque familiale, avec la matrone qui est une mère et qui veille sur ses enfants. C'est l'image qui nous fait plaisir de la prostitution. Et Alain Corbin disait que c'est une belle fantaisie de littérateur. Et effectivement, elle est euphorisante. Ses filles vivent en famille. Tout est gai. On est bien ensemble. On fait des affaires et on va à la campagne pour célébrer la communion d'une petite jeune fille. Les clients sont des amis aussi. On est dans la fable, évidemment. Hein, on est dans la fable. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on peut quand même revenir sur les stéréotypes. Hein. C'est pas du tout péjoratif, hein, le stéréotype. Mais quand vous voyez, par exemple, la figure décomposée de Nana, mais ça renvoie à la Dame aux Camélias. Hein. La Dame aux Camélias, ça commence. Hein. Le héros va on extrait du cimetière, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin l'héroïne de la Dame aux Camélias, et on voit un squelette. C'est un grand topos, hein, chrétien. Hein, tout finit dans la décomposition. Alors, ce qui est remarquable dans les deux nouvelles que j'appelle des ensembles, c'est-à-dire Boule de Suif et la Maison Tellier, c'est que tout à coup, alors qu'on était un petit peu dans le cadre de la nouvelle, hein, un duo dans une chambre, sur un trottoir ou dans un château, mais vous voyez, c'est le médaillon, hein, c'est vraiment l'espace très réduit de c'est la le prostitution. Détail par rapport à tout la à fresque. Coup, Maupassant ouvre là, il y a un plan panoramique formidable. D'abord, on voyage, hein, on est en diligence, on va de Rouen au Havre ou on va de Fécamp à Virville, aller et retour. Donc tout l'espace s'ouvre et en même temps, il y a un personnel, des personnages si nombreux qu'on est en face d'une société. Hein, c'est complètement différent. Et là, Maupassant ne répond pas à la demande du Gil Blas illustré. Donc les journaux de l'époque. À la mode, oui, à la mode. Et après tout, pourquoi pas, hein. Je trouve que bien des chefs-d'œuvre naissent de cette demande. Hein. Faut pas avoir un regard hautain. Mais là, il écrit librement. Hein. Boule de Suif, c'est avec ses copains. La Maison Tellier, c'est pour commencer un recueil. Donc c'est on très peut différent. Considérer qu'il est plus proche, finalement, de la vision qu'il souhaite donner, lui, de la prostitution de cette époque-là, c'est-à-dire une vision, encore une fois, plus familiale, plus chaleureuse, plus amicale. C'est quand même... Vous y tenez, hein, à la prostitution heureuse. Je ne sais pas ce qu'il pensait, cher monsieur. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Non, mais vous dites sais, que ça, ce n'est pas un sais, ouvrage de commande. Sais, donc, je... a priori, si oui, ce n'est pas de la commande, c'est que commande, c'est lui qui souhaite même, présenter les choses comme ça. Copains, enfin, vous voyez, c'est... Bon, ne nous plaçons pas au niveau de la sincérité, hein, qui nous échappe complètement. Ce qui est remarquable, c'est que dans Boule de Suif, on est dans tout à coup une relation d'échange. Hein. Boule de Suif, elle a apporté de la victuaille, ses compagnons de voyage n'ont rien à manger. Tout à coup, elle ouvre son panier et la convoitise apparaît et elle va partager. Hein, on est dans une société de l'échange. Elle va donner ses aliments, elle va les partager. Elle est d'ailleurs toute heureuse de voir qu'elle est considérée comme une personne et non pas comme une putain. Et puis évidemment, quand tout le monde est rassasié, bah, qu'est-ce qu'on fait? On échange des propos. Hein. Deuxième type d'échange, hein. On se reconnaît, on est des individus, on a des soucis, on a des problèmes. Et puis là, la voiture, la diligence est arrêtée. Voilà un officier prussien qui la bloque et qui dit « je ne partirai que lorsque je pourrai coucher ». Il y a une putain parmi les voyageurs, je veux coucher avec elle et vous ne repartez. Et à ce moment-là, va se produire, je passe sur les détails, hein, la nouvelle est très connue, mais un autre type d'échange. C'est-à-dire que les compagnons de Boule de Suif, à l'exception d'ailleurs du démocrate Cornudet, vont la convaincre que c'est une activité finalement digne, qu'elle va rendre service à tout le monde et qu'elle sera quasiment béatifiée. Il y a deux bonnes sœurs, hein, qui participent d'ailleurs à la... Et alors on a l'échange continue, hein. Après l'échange de la victuaille, l'échange des aimables propos, eh ben, c'est l'échange du corps d'une femme. Hein. Et à ce moment-là, je dis pas que Maupassant a voulu, a conçu, a perçu. Simplement, moi, lecteur, je vois que pour Maupassant, la prostitution fait partie d'un marché. Hein, et que la société est comme un bordel, le bordel est comme la société. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. Donc c'est une vision de la domination exercée non seulement sur les prostituées, mais peut-être plus généralement sur les femmes. À plusieurs étages, hein, domination de l'argent, domination des classes dominantes, domination des hommes sur les femmes. Cette espèce de superposition des pouvoirs, là il y a un beau discours sur la prostitution. Et dans la Maison Tellier, c'est un petit peu la même chose. Hein. Il y a des interférences, hein. Tout s'échange. Hein. La Maison Tellier, Hein, c'est le bordel, évidemment, de Fécamp. Mais quand ils vont dans le village de Virville, ils sont à l'église et c'est la maison de Dieu. Hein, et on passe d'une maison à l'autre. Hein. Et toute la nouvelle est conçue sur ces visions, ces interférences, ces échanges qui ont lieu. Et finalement, les filles sont comme les autres. Elles participent à cette société. Merci beaucoup, Daniel Grochnowski, pour en savoir plus sur ce sujet. Je renvoie nos auditeurs à votre recueil intitulé « Les prostituées » de Maupassant. C'est disponible chez Gallimard dans la collection Folio Classique. La semaine prochaine, c'est à l'écrivain prix Nobel de littérature 2007 que nous nous intéresserons, Doris Lessing. Et puis demain, vous retrouvez Poésie et ainsi de suite par Manu Farine, alors que tout de suite, c'est déjà de la poésie avec des textes de Serge P. choisis et interprétés par Jacques Bonafé. Bonjour. Reprenant « Venger les mots » de Serge P., le poète de Toulouse, je vous le fais entendre. Vous l'entendez bien ? Voilà, parce qu'il n'est pas trop tard pour l'offrir. « Venger les mots » vient de sortir aux éditions Bruno Doucet. Et nous prenons le poème « La tartine et le poème ». Peut-être il convient de dire que Serge Pey parle des imbéciles, parle-t-il des censeurs, des inquisiteurs, ou des infatués fiers de leur breloque, de leur fric et de leur pensée. Quand je parle de tes poèmes à un imbécile, c'est comme si je pissais face au vent en voulant que le vent change de direction. Les imbéciles sont vraiment nombreux sur Terre, sûrement plus nombreux que les poèmes que tu écris. Un imbécile ne porte pas de montre, mais décide de l'heure quand on parle de toi. Un imbécile peut diviser par zéro ton espérance. Un imbécile peut faire pleurer les oignons quand il parle de son suicide en affirmant qu'on l'assassine. Un imbécile feint d'ignorer la vérité en truquant une photo de la poésie. Pour un imbécile, 1000 exemples ne servent à rien et un seul mensonge prouve tout. Un imbécile peut dire qu'un monstre recrute des milliers d'anges dans son armée. Un imbécile peut déclarer que ce texte n'est pas un poème. Quand la tartine d'un poète tombe, l'imbécile croit que la confiture change de côté. Quelque part, dans un autre poème ou dans le monde, quand le monde tombe, l'imbécile ne le sait pas. Dans l'International du rythme, Henri Méchelic dit de Serge Pey, la performance n'est pas chez lui une théâtralisation. Lorsque nous faisons de la performance digne de ce nom, nous ne faisons ni de la poésie ni du théâtre, mais de la politique et de la philosophie. Car tout acte en provocation est une pensée et une réflexion sur la société et l'histoire. L'oralité du poème, c'est à la fois du sujet, l'invention d'une historicité, une intervention et une transformation. Une parole qui a son corps à lui. Il est des paroles qui, soudain, deviennent des mains. Si tu veux parler, regarde tes mains. Si tu veux voir, entends tes mains. Et plus loin, nous avons tellement de mains dans la bouche que l'on ne nous entend pas, que les feux que nous nommons accouchent de pierres comme des chiens qui cherchent le père et la femelle de leurs mots. De Serge Pey, Zénobianu dit « Tu t'avances pour lire et les mots se reflètent sur ton visage. Le désir prie toujours, même quand la langue se tait. Tu t'avances comme un frère universel dans le flux et la coulure, contre le bourdonnement du grand malheur, contre les dressages intensifs, tu ne cesses de tirer des millions de formes de toi-même, juste de voix dans la barque de la nuit, juste de voix dans la barque du jour. Tu le sais, chaque rose est une syllabe, tu récures tes os, le verbe en croix et le désordre divin, la pensée est dans la bouche, dit Sarah. Le vide se vide de son plein, dit Lucas. Tu ne laisses pas la mort descendre vers l'été. Tu ne passes rien sous silence. Bientôt 16h sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la méthode scientifique et Nicolas Martin. Très bon après-midi à toutes et à tous.